Elle se hâtait, comme pressée par une course importante. Elle filait le long des murs, heurtée par des gens à paquets. Elle traversait les rues, sans regarder les voitures venir, injuriée par les cochers. Elle trébuchait au marge des trottoirs auxquels elle ne prenait point garde. Elle courait devant elle, l'âme perdue. Tout à coup, elle se trouva dans un jardin et elle se sentit si fatiguée qu'elle s'assit sur un banc. Elle y demeura fort longtemps, apparemment, pleurant sans s'en apercevoir, car des passants s'arrêtaient pour la regarder. Puis elle sentit qu'elle avait très froid, et elle se leva pour repartir. Ses jambes la portaient à peine, tant elle était accablée et faible. Elle voulait entrer prendre un bouillon dans un restaurant, mais elle n'osait pas pénétrer dans ces établissements, prise d'une espèce de honte, d'une peur, d'une sorte de pudeur de son chagrin qu'elle sentait visible. Elle s'arrêtait une seconde devant la porte, regardait au-dedans, voyait tous ces gens, attablés et mangeant, et s'enfuyait, intimidée, se disant « J'entrerai dans le prochain ». Elle ne pénétrait pas davantage dans le suivant. À la fin, elle acheta chez un boulanger un petit pain en forme de lune et elle se mit à le croquer tout en marchant. Elle avait grand soif, mais elle ne savait où aller boire et elle s'en passa. Elle franchit une voûte et se trouva dans un autre jardin entouré d'arcades. Elle reconnut le palais royal. Comme le soleil et la marche l'avaient un peu réchauffée, elle s'assit encore une heure ou deux. Une foule entrait, une foule élégante qui causait, souriait, saluait, cette foule heureuse dont les femmes sont belles et les hommes riches, qui ne vit que pour la parure et les joies. Jeanne, effarée d'être au milieu de cette cohue brillante, se leva pour s'enfuir. Mais soudain, la pensée lui vint qu'elle pourrait rencontrer Paul en ce lieu. Et elle se mit à errer, en épiant les visages, allant et revenant sans cesse, d'un bout à l'autre du jardin, de son pas humble et rapide. Des gens se retournaient pour la regarder, d'autres riaient, et cela montrait. Elle s'en aperçut et se sauva, pensant que, sans doute, on s'amusait de sa tournure et de sa robe à carreaux verts, choisie par Rosalie et exécutée sur ses indications par la couturière de Goderville. Elle n'osait même plus demander sa route aux passants. Elle s'y hasarda pourtant, et finit par retrouver son hôtel. Elle passa le reste du jour sur une chaise, au pied de son lit, sans remuer. Puis elle dîna, comme la veille, d'un potage et d'un peu de viande. Puis elle se coucha, accomplissant chaque acte machinalement, par habitude.